pendant qu'il s'approche, est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Et non seulement nous acclamons pour le Seigneur, si nous pouvons nous tenir debout pour célébrer ce grand Dieu ensemble. Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, nous tenir debout pour louer le Seigneur? Tunaweza upepea kwa tena njoo sifa ya Mungu. Haleluya. Yesu yuko bien. Kombo na Yesu, ele kiba kombo nyonso. Kombo na Yesu, ele kiba kombo nyonso. Ah kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Ah kombo na Yesu. Yes, oh, yo. Tu laisses couper père quand tu as fait mon goutena. Alléluia, yes, oh, bien. Ah, combo na Yesu, combo na Yesu. Et le kiba, combo nyoso. Ah, combo na Yesu. Et le kiba. Oh. Yes, oh, yeah, yeah. Oh, oh, oh, combo na Yesu, oh, na Yesu, ele kiba combo nyonso, aye, combo eza ya mokilite, e uti na lola, yango miracle ezo sale makaka na combo na Yesu, combo na Yesu, ele kiba combo nyonso. Aye, combo eza ya mokilite, e uti na lola, yango miracle ezo sale makaka na combo na Yesu, combo na Yesu, ele kiba combo nyonso. Aye, combo ya Yesu yango nebika mwa, combo ya Yesu yango papa combo. Yango ndebika mwa kombo ya Yesu yango papa njimela njimela kombo yo njimela kombo yo njimela kombo yo papa njimela njimela kombo yo njimela kombo yo esala kanyoso sojo ndimeli Yesu makambo na ngonyoso. So John the Melies, Magamona Gonyo, so John the Melies, Magamona Gonyo, so my problem was an angle, so John the Melies, so you know, so Cosilla, Cacanacomba, yes, le nom de Jésus, il est plus que tous les noms, c'est le nom de Jésus qui est plus que tous les noms, il a réussi le nom qui est au-dessus de tous les noms. Sojo di meli Yesu magambo nango nyonso. Ba problemo za nango sojo di meli Yesu yo. Nyoso eko sila kaka na kombwa Yesu. Ba maladi yo za nango sojo di meli Yesu yo. Sojo di meli Yesu magambo nango nyonso. Sojo di meli Yesu magambo nango nyonso Yesu. Nyoso eko sila kaka na kombwa Yesu. Ah, so John the Melies, Magambo Nangonyo, so. Ah, so John the Melies, Teleka, Dimela, so yo, Dimela, Busha, Busha, Busha, Busha, Busha, Busha, Busha, Samayaso, Samayaso, Samayaso, Samayaso, Samayaso, Samayaso, Samayaso, Samayaso, Ale, Dimela, so yo. Dimela Yesu yo, dimela, dimeli Yesu yo, Yesu eko sila, dimeli kaka kombo Yesu, Yesu eko sila, ata oza na ba problem, dimeli kaka kombo Yesu ndekisi, kombo Yesu nde problem, oza na ba problem. je vous donnerai du repos. Les attaques comme moyeux, Hosanna, pas problème. Tu m'as dit caca comme moyeux, Hosanna, maladie. Tu m'as dit caca comme moyeux, une équipe, comme moyeux, une solution. Oh, Yosu, allez, malala. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, yes. Nastaili babangu, yes. Nastaili babangu, Mungu wa mapendo. Nastaili vyote vyangu, Baba. Nastaili vyote vyangu, Mungu wa mapendo. Nastaili mwimbo baba. Yakutaka kuro unastahili vyote vyangu Mungu wa mapendo unastahili vyote vyangu Baba unastahili vyote vyangu Mungu wa mapendo ni wako ngopa Yesu ni wako ngopa ni wako ngopa Yesu ni wa ala Bwana Yesu ni wako ngopa Yesu ni wako ala Bwana Yesu ni wako ngopa Yesu ni wako ngopa Yesu ni wako ngopa ni wako ngopa Yesu ni ala Bwana Yesu ni wako ngopa Yesu ni ala Bwana Yesu ni wako ngopa ni wako ngopa Yesu ni wako ngopa ni wako ngopa Yesu ni wa ala Bwana Yesu ni wako ngopa Yesu ni ala Bwana Yesu ni wako busha busha busha busha busha ala busha ala busha ala busha ala busha ala busha ala busha ala busha ala busha sema Yesu sema Yesu bina Yesu kwa biacheza Et bien aimé, nous voulons encore louer le Seigneur, nous voulons encore célébrer notre Dieu avec la chorale. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons louer Dieu. Il est vivant. Quel jour de gloire, oh, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, oh, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, oh, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Quel jour de gloire, oh, quand Jésus m'a sauvé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, Jésus nous a sauvé. Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, par son amour. Quand Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, par sa grâce. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Pita Nicole. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé, par sa grâce. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, alléluia. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Oui, aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé. Moi je ne veux plus toucher aux choses du passé. Je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Quel jour de gloire. Oui, aux choses du passé, je ne touche plus. Puisque je reste Jésus. Quand Jésus m'a sauvé. Oui, quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, quand Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé, par son amour. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. On y va. Pika Mikola. Ah. Landalo Kolo. Pika Bikele Kele. Oh, Sifu Mungu, alléluia, Sifu Mungu, amen. Oh, Tomo Sifu Mungu, alléluia, amen. Oh, Sifu Bwana, alléluia, Sifu Yesu, amen. Oh, Tomo Sifu Mungu, alléluia, amen. Oh, Niwa Mapendo, babe. Niwa Mapendo, Niwa Mapendo, Niwa Mapendo. Sala boy, Mungu Niwa Mapendo, sala. Pika Pika Leke. Oh, Niwa Mapendo Yesu. Niwa Mapendo. Niwa Mapendo. Niwa Mapendo. Niwa Mapendo. Oh, Niwa Uwezo Baba. Niwa Uwezo. Niwa Uwezo. Niwa Uwezo. Niwa Uwezo. Sokina Talibo Moi na Hangai. Nako Banga Zambe. Sokina Talimo Salo Pesiga. Nako Banga Zambe. Choco Sanjo, amen. milele ata milele ata milele Yesu ni Bwana Pika mikono Oh ata milele ata milele ata milele ata milele Bwana washalame ata milele Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Eta, maboko, pika, pikono, puta, pikashi, eta. Oh, Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Oui, Jésus m'a consolé de tout ce que j'avais. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Oui, je suis dans la joie. Alléluia. Oh, alléluia. Il est bon Jésus. Il est roi. Alléluia. Le Seigneur. ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Oui, Jésus est élevé. Satan est terrassé. Oui, Jésus est élevé. Satan est terrassé. Oui, Jésus est élevé. Satan est terrassé. Oui, Jésus est élevé. Tombola, tombola, Jésus. Tombola, Jésus. Tombola, Jésus. Tombola, Jésus. Tombola, Jésus. Tombola, Jésus. Tombola, Jésus. Tombola, Jésus. Tombola, Jésus. Tombola, Jésus. Tombola, Jésus. Tombola, Jésus. Tombola, Jésus. Tombola, Jésus. Bina, bina, bina, nayo. Bika, bika, leke. Jésus est élevé. Satan est terrassé. Oui, Jésus est élevé. Satan est terrassé. Oui, Jésus est élevé. Satan est terrassé. Oui, Jésus est élevé. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Oui, bien-aimés, dans le livre de Jean, chapitre 4, versets 23 à 24, la parole de Dieu déclare « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Ce qui captive ma pensée sur ce verset, c'est que la Bible dit que Dieu est à la recherche des adorateurs. Et non seulement des adorateurs, mais la Bible dit qu'il est à la recherche des vrais adorateurs. Est-ce qu'il y a un vrai adorateur, quelqu'un qui veut adorer son Dieu? C'est avant-midi. Est-ce que quelqu'un veut adorer son Dieu? Voilà pourquoi, pendant que la chorale nous accompagne, nous nous demandons de prendre une position qui élève notre Dieu. Nous ne donnons pas une position spécifique, non. Si nous voulons être à genoux, soyons à genoux. Si nous voulons rester assis, restons assis. Mais disponibilisons nos cœurs à adorer Dieu. Merci Seigneur. Tes bontés me rendent minime devant sa face, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur, ce matin, nous te levons. Parce que tu en es digne. Oui, que ferons-nous d'autre si ce n'est pas t'adorer, Seigneur? Nous te levons ce matin parce que tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être béni, Seigneur. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Les écailles de mes yeux tombent pour que je voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui démontrent ta grandeur. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre les yeux que je vois ton armée qui m'entoure, que je ne cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire, tellement grand, tout ce que tu fais de ta taille, mon aîné, Rosa, mon aîné, Rosa, Rosa, mon aîné, mon aîné, Rosa, Rosa, mon aîné, sorcier. Tu es grand, à qui nous allons te comparer. Seigneur, je vois et je sens combien tu es bon. Tu marches avec nous, tu te promènes avec nous partout, Seigneur. Oui, quelle assurance d'avoir un grand Dieu assis sur son trône, parce que nous nous t'élevons. Ô Dieu de gloire, sois béni, sois loué, sois glorifié, sois exalté. Yahweh qui est comme toi, ô Dieu de gloire. Yes, merci Jésus, merci Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? Nous te sommes infiniment reconnaissants. Le Dieu de gloire, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Oui, nous te rendons honneur ce matin. Nous te rendons honneur, nous te rendons grâce, nous te rendons Seigneur. Parce que, merci Jésus, qui est comme toi, Seigneur Jésus? Oh, tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand. Tu es plus grand, Seigneur. Que tout ce qu'on dit. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit. Le ciel et la terre sont créés par toi, Jésus. Tu es plus grand que les sorciers, plus grand que les magiciens, plus grand que les hommes, plus grand que les présidents. Tu es comme toi. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand, Seigneur. Nous te levons, Seigneur. Sois béni, Papa. Mon âme t'adore. Mon âme te loue. Mon âme te glorifie. Parce que tu as créé le ciel et la terre. Nul ne peut se comparer à toi. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta gloire siège au milieu de nous. Ton amour va des âges en âge. Ô Dieu de gloire. Merci, Jésus. Mon aîné. Oui, Seigneur, nous passerons des jours à t'adorer, Seigneur, parce que tu es digne, tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous soutiens par ta grâce, tu nous fais du bien, Seigneur, tu nous fais du bien, Seigneur. Nous te donnons adoration et reconnaissance, Seigneur. Liboso ya kiti na yo, toye kosopa, motema na ngayo. Liboso ya kiti na yo, na ye kosopa, motema na ngayo. Yosa oyo ngai na luka, uta mwakala, lelo na moni yo. Yahweh, pobola mosale lingai, etini ngai oye, na emaze. Est-ce que tu peux être reconnaissant pour l'amour de Dieu dans ta vie? Lève ta voix, glorifie le Seigneur, parce qu'il est tellement merveilleux, il est tellement bon. Oui, il y en a qui sont malades. Il y en a qui manquent ce que toi tu n'as pas. Il y en a qui sont je ne sais pas où. Mais toi et moi, nous sommes dans sa présence. Bénis le Seigneur, puisqu'il t'a gardé, il t'a protégé, il t'a donné la vie, il t'a donné tout. Oui, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Merci. Yono yonga ina luka e uta mwakala lelo na moli o e Yahweh Yahweh po masuma olimi singa ye etini nga yo yo na emba zembo yo Si Dieu te donne des jours, si c'est tard, tu arrives aussi à compter des années. Profiter. Tu dois en profiter. Semaine passée, je suis en Mukanisi. Jumelpita, je n'étais pas à l'église. Nirenda bujika mwipoyangu. À 24 ans. Na miaka ya 24. Anaisha université. Il a terminé les études universitaires. 2 ans ya ministère. Miaka mbili ya huduma. Anakufu. Akafariki. Alifanya nini? Qu'est-ce qu'il a fait? Dimanche, il était à Mukanisa. Le dimanche, il était à l'église. Il a interprété pasteur Wadi. Il a même interprété son pasteur. Mercredi, il était à Mukanisa. Mais pendant qu'il était à l'église. Jeudi à Subui. Jeudi matin. Banakuta chakufa munyumba. Il a trouvé mort dans la maison. Alifanya nini? Qu'est-ce qu'il a fait? Célibataire. Washipo bibi, washipo bato. Lui qui n'avait même pas de femme. Ana na nyumba. N'avait pas de maison. Et qu'on est la couteau paternelle. Il était encore chez eux. Ça, ça oui, ami. Alors toi et moi. Mungu ne tukope chamiaka. Dieu nous a donné encore des jours. Anakupati ya batoto. Il t'a donné des enfants. Anakufikisha mwile kipimo. Il t'a fait arriver à l'âge que tu es. Façon yako ya kumuadore. Mais la façon dont tu l'adores. Banduku. Bien-aimé. Auta yua kesho itakuchungia nini. Tu ne sauras pas qu'est-ce qui t'attend demain. Tu ne sais jamais qu'est-ce qui t'attend demain. Alors profite quand tu es encore en vie. Que ton corps ne puisse pas te mentir. Que la beauté ne te ment pas. Il y aura un moment. J'aimerais que nous nous tenions tous debout. Qu'on se tient tous debout qu'on puisse adorer. Qu'on glorifie Dieu de tout ce qu'il est en train de faire. Tu étais une personne sans valeur. Mais Dieu t'a donné de la valeur. Dieu t'a donné des enfants. Dieu t'a honoré. Ta façon que tu es en train de l'adorer. Tu n'es pas reconnaissant même avec une chose. On nous a enseigné toute cette semaine. Le Dieu de rencontre. Mungu wa makutano. Comment est-ce que tu vas te rencontrer vers ce matin? Comment est-ce qu'il va te bénir? Qu'est-ce que nous avions devant de lui? Quelle est ton attitude devant de Dieu? C'est lui donc qu'on t'a prêché. Que quand il se rencontre avec une personne, il ne sera pas comme il est. Il va toujours changer la personne. Nous voulons adorer ce Dieu. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Si tu as terminé tes études, c'est pas dit que tu as l'intelligence plus que les autres. Nafuata télévision, mais naona un grand professeur d'université na kufwa. Niliona basi kwenye filamu, mwalimu mkubwa kafariki. Mukongo balikuwa namuita sema savant. Ici au Congo, lui appelait que un savant. Mungu alamkopesha 88 ans na kufwa. À 88 ans, il est parti. Il n'y a pas un bon nom comme le nom de Jésus-Christ. Quand il te touche, il te fera arriver à ta destinée. Il va te donner l'ordre. Ceux qui ne te connaissaient pas vont te connaître. Est-ce qu'on peut adorer Dieu? La vie éternelle, il me l'a donné. perpétuité. J'ai l'assurance, l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée. Merci pour le souffle. Merci pour l'opportunité. Merci pour la prédication. Disons merci pour tes enfants qui t'y approchent. Merci. Lorsqu'ils viennent au-devant de toi, afin que tu parles avec eux, que tu puisses orienter nos vies, que tu puisses aussi. Merci. Que ton nom soit ici. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tunamkaribisha Papa Samuel. Sommes en train d'approcher Papa Samuel. Dans lui tes oreilles et il va nous enseigner. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant que nous puissions entrer dans notre message, je sens que nous devons prier même pour 3 minutes d'abord. Tu sais, la prière est très nécessaire pour ta vie. Tu as besoin de la prière pour ton mariage. Tu as besoin de la prière pour tes business. Tu as besoin de la prière pour ta famille. Tu as besoin de la prière pour tes relations. Tu as besoin de la prière pour ta santé. Tu as besoin de la prière pour tout ce que tu fais dans ta vie. Écoutez, il y a des choses, je vais vous donner quelque chose dans la Bible. Vous allez remarquer que Pierre et Jacques étaient tous de disciples de Jésus-Christ. Tous ces deux-là ont été capturés par la même personne qui est Hérode. Mais vous allez remarquer que Jacques, quand on l'a capturé, il a été décapité, sa tête a été coupée. Pourquoi on lui avait coupé la tête? Parce que l'église n'avait pas prié pour lui. Mais quand on a saisi aussi Pierre, c'est là que Acte 12, 5 dit que l'église pria pour lui. Et quand l'église a prié pour lui, l'ange a été libéré. L'ange l'a fait sortir de la prison. Donc là, si on avait aussi prié pour Jacques, sa tête aussi n'allait pas être décapitée. Il y a des choses qui n'arrivent pas parce que tu n'as pas prié. Et il y a des choses qui arrivent aussi parce que tu n'as pas aussi prié. Alléluia, Église. Amen. Il y a des fois, je m'étonne des fois quand on dit à quelqu'un de prier. Il est en train de négliger la prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, le monde du ténèbre ne blague pas comme nous on blague dans les choses de Dieu. Tu vas seulement dire là où tu es. J'aimerais ce que tu pries. Je sais que tu es beau, tu es belle. Mets un peu ta beauté à côté. Mets un peu tes études à côté. Mets ton argent à côté. Mets prie le Seigneur. Alléluia. Amen. Une prière de 3 minutes, de 2 minutes peut aussi changer toute une destinée. Amen. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui avait dit que, vous savez, les gens qui prient, c'est parce qu'ils sont pauvres. C'est parce qu'ils sont des mendiants. Un jour, un démon a attaqué sa fille. Ses voitures, son argent. Ils n'ont pas donné la solution. Il fallait chercher les pauvres qui prient pour venir aider sa fille. C'est là qu'il était redevenu normal. Il y a une sœur qui a dit à l'une de mes filles de l'église, il dit que vous êtes vos pasteurs là, les paresseux, vous voulez donner la dîme, vous voulez donner votre argent, vous réveillez le matin, vous allez des paresseux là. Moi, je ne vais pas donner mon argent aux pasteurs. La seule lui a dit qu'un jour tu changeras ce langage. Sa fille était à l'internat parce que les écoles de la Tanzanie ont trop de démons. Les démons ont attaqué la fille. La fille, la vie a changé. Les bras étaient partis comme ça. On a ramené la fille. Ils ont commencé à prier pour la fille. La sœur là, ça n'avait pas tenu 3 jours. Elle ne pouvait plus aller au travail. C'était un peu difficile. Toute la maison paralysée. Alors maintenant, elle va dire à sa collègue, est-ce que je peux voir ton pasteur? La fille lui a dit que c'est paresseux là, tu as besoin de quoi avec lui? Maintenant, j'aimerais seulement qu'il puisse m'aider, ma fille a des problèmes. On a amené la fille à l'église. On a fait une prière ici de 5 minutes. La fille a été restaurée. Maintenant, c'est le jour que la sœur a dit, ah, les pasteurs ont un grand travail. Hein? Pastor, il y en a quasi. on a prié pendant 3 jours. Ça n'a pas pu. Lui, il a fait seulement 5 minutes. Les 5 minutes là que tu vois, il y a le sang et l'eau qui a été perdu dans les gènes de prière. Alléluia. Amina. Quand tu peux voir, on impose la main à quelqu'un. Non, dans 5 minutes, il y a des choses qui sont prises. Mais les 5 minutes là, ça a pris à l'homme de Dieu même 21 jours pour prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne néglige jamais ton pasteur. Ce n'est pas n'importe qui. Il y a des dimensions où l'argent ne peut pas répondre. Il y a des dimensions où tes études se foutent. Il y a des dimensions où même le médecin ne peut pas répondre. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut répondre. Ne néglige jamais ton pastor. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu n'as pas moi dans ma vie, je n'aime pas que quelqu'un me néglige. Même si tu me négliges, je disparais dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que je sais, il y a quelques jours là, tu auras besoin. Amen, église. Amen. Maintenant, j'aimerais que tu pries. Je sens depuis le hier, je sens que nous devons. Quand même aujourd'hui, même si c'est le dimanche, après ma prédication, je sens que nous devons un peu prier. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi ça me vient. Si Dieu a nini, je sens que nous devons prier. Alléluia. Amen. Avant le message, tu vas dire ceci à Jésus. Toutes mes noires sur ma vie. Toute miraille qui a été érigée au devant de ma destinée, que cela tombe, afin que je vive ce que tu as prévu dans ma vie. Faites cette prière. Prions au nom de Jésus. J'aimerais écouter ta voix. Prie le Seigneur là où tu es. Omba bwana fazu nakua. Toi tu peux marcher mais il y a une main noire au devant de toi. Oh, kuna kuwa tena giza mbele yako. Il y a une main noire au-dessus de toi sans que Kuko tu le saches. Giza mbele afya yako. Tu dis à Dieu que cette main noire se coupe. Kuna sema na Mungu hii giza yangu. Que cette miraille qui est au devant de ma destinée. Basi iukuta ianguke. Que cela tombe au nom de Jésus. Hii basi ianguke. Détruis cette miraille. Ah, mina omba iukuta. Dites à Dieu, je refuse. Sema na bwana mina katala. Être bloqué dans ma vie. Kuzuizu wa mumaisha. La main noire au travail. Oh, bah, la main noire dans ta famille. La main noire dans tes affaires. Coupe cette main noire. À la vie de tes enfants. Dites à Dieu, je coupe cette main noire. Dans la vie de ta femme. Dans la vie de ton mari. Dans la vie de tes amis. Dans la vie de notre pasteur, dans la vie de sa femme, nous détruisons cette main noire. Aïe aïe. Merci Saint-Esprit. Nom de Jésus. Tu dis ceci, Seigneur Jésus. Cette église t'appartient. Toute main noire sur cette église. Toute puissance contraire à ta parole. Que cela soit anéanti jusqu'à la racine. Au nom puissant de Jésus. Tu tapes les mains, tu pries. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Oui, tape un peu le main, tu pries. Pika tena mikono na omba. Ha. Tu dis à Dieu. Uko na sema na Mungu. Jusqu'à la racine. Mupaka kumizizi. Jusqu'à la racine. Mupaka kumizizi yayo. Tape le main et prie. Quelle grâce nous détruisons. Oh, tu connais la vie. Toutes mes noirs sur cette église. Nous détruisons Adonai. Nous brisons jusqu'à la racine. La bûche. Le puissant de Jésus. Tu n'as la yes. Lure payamano, ricata la maschera, lore candare bayano, rama makele maschera, rebade shayama babo, rebayante maschera, ebraike na mama mo shayaba. Au nom de Jésus, Gina la Yesu. Tu vas dire Jésus, ou connaissez ma Yesu? Que le feu s'allume en moi. Si moto yake, que je sois une flamme de feu. Ni wen timi amoto. Commence à prier là aussi. Aja kuomba fazi na kuwa. Que je sois une flamme. Semane ku wen timi amoto. Monte na la prière. Panda mama ombi. Dis à Dieu que je sois une flamme de feu. Baba ni wen timi amoto. Que Dieu allume un feu en toi. Mungu awakishe moto ndani yako. Le feu du Saint Esprit. Moto ya Roho Mtakatifu. Le feu du réveil. Moto ya wamusho. Ha! Et pour terminer, tu vas dire ceci. Tu dis comment je dis, c'est ma Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je ne mourrai pas. Je mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et tout esprit d'accident. Et tout esprit d'accident. J'anéantis au nom de Jésus. Tu pries pour une minute. Priez le Seigneur. Omba, omba, buana. Détruis l'esprit d'accident. Pepo yaza. Dites à Dieu, je ne mourrai pas. Je vivrai. Buana sita kufa. Dites à Dieu, je ne connaîtrai pas d'accident. Oui, tu pries. Dieu omba tu. Wow. Wow. Est-ce que tu peux tenir à côté de toi celui qui est à côté de toi? Bamba uleko kumpembeni yako. Il dit ceci, Père. Unasema Baba. Nous remettons notre pasteur entre tes saintes mains. Acha mchungaji wetu mikono yako. Protège lui. Omukinge. Combat pour lui. Pigana tu yake. Élève lui encore. Omunyanyue tena. Prie le Seigneur là. Omba Bwana fazo na kuwa. Omba. Élève ta voix et prie. Priez pour notre pasteur. Omba Dieu mchungaji wetu. Papa, nous prions pour ton serviteur. Buana, tu n'as omba jam tu mesho. La Bible dit ici, Dieu pour nous qui sera contre nous. Nous détruisons tout combat contre tuna sa vie. Aribu vita yote juu yake. Le combat du ministère. Ma vita ya le uduma. Combat du travail. Vita ya kazi. Le combat dans tous les domaines de sa vita vie. Vita muma atua yote que l'ennemi tombe. Ianguke. Qu'il soit protégé. Na atingwe. Qu'il soit béni. Abarikiwe. Qu'il soit élevé. Anyanyuliwe. Il te sert toujours. Akutumikie dans la vérité. Dani ya kweli. Qu'il marche dans ta voie, Seigneur. Atembeye mujia na. Nous les mettons entre tes saintes mains. Tunamwacha tena mikono yako. Protège-lui. Et garde-lui au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Alléluia. Amen. Maintenant, je peux maintenant prêcher dans quelques minutes. Je remercie grandement le Seigneur parce qu'on a été ensemble cette semaine. Bariki Bwana kwa maana tulikuwa pamoja juma mzima. C'est une semaine dans laquelle nous avons parlé sur les dieux des rencontres. Nous remercions parce que Dieu était avec nous. Et en plus de cela, je dis merci au révérend pasteur Désiré Mbaye pour sa considération. Que Dieu le bénisse. C'est un homme bien, un homme grand. Et Dieu t'a fait grâce de l'avoir comme pasteur. Tu dois honorer pasteur. Dieu pour cet homme de Dieu. Tu dois honorer Dieu pour sa femme. Tu dois honorer Dieu pour tous ceux qui sont tout autour de lui. Écoutez, si nous sommes en ces lieux, c'est parce que Dieu l'a établi ici. Et s'il n'était pas là, on n'allait pas aussi venir. Si moi je te prêche aujourd'hui, c'est parce que je l'ai rencontré. Alléluia. Amina. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse aussi. Na Mungu akubariki nawe. Sois fidèle à Dieu. Kuwa mwaminifu kwa Mungu. Et Dieu te bénira. Na Mungu atakubariki. Amen. Amen. Alors, je devais clôturer aujourd'hui avec les dieux des rencontres. Je devais clôturer aujourd'hui avec le même thème, le Dieu des rencontres. C'est un enseignement qui est long. Mais on a donné ce qu'on pouvait donner. On a dit que dans les dieux des rencontres, il y a beaucoup de choses. Tu peux aller sur YouTube, tu peux suivre. Le mal en est que ce que j'ai constaté dans nos églises. Les membres de l'église ne visitent jamais les chaînes de l'église. C'est une petite partie des gens qui visitent. Même chez nous en Tanzanie, c'est comme ça. Vous avez remarqué, nos chaînes, on a beaucoup de membres à l'église. Mais les lacs ne sont pas nombreux. Et ceux qui suivent beaucoup, ce sont les gens qui sont à l'extérieur de l'église. Aujourd'hui, tu peux être au travail, mais tu te connectes au culte de l'église. On perd des méga pour des choses inutiles. La prédication de ton église. Lakini kwa ajili ya kufuata mahubiri ya kanisa. On dit en Swahili. Tunasema kama Kiswahili. Mtu anakulaka nyumbani kwao. La personne est en train de manger chez eux. Alléluia. Chaque personne a sa nourriture. Kila mtu ana chakula yake. Chaque famille kila a sa nourriture. Ina chakula yao. Même l'église sous féconde, vous avez votre nourriture. Iko na chakula yao. Mangez ici. Kuleni huko. Alléluia. Allez sur YouTube, suivez les prédications. Je n'ai pas le temps de te donner la synthèse. Mais quand je sentais des thèmes qui se battent dans ma tête pour clôturer. Mais il y a quelque chose qui s'est levé le matin aujourd'hui sur les agendas cachés. Je vais te donner un séminaire dans 50 minutes. C'est tout un séminaire, mais je vais te le donner dans 50 minutes. Et après, on va clôturer. Et si tout le monde parlait français, on allait seulement parler en français. Malheureusement, il y a d'autres qui ne parlent pas cette langue, c'est ça le problème. Mais le Congo, tout le monde connaît le français. Alléluia. Amen. Je bénis aussi ta présence. Je bénis aussi la présence de l'homme de Dieu. C'est le prophète Kabang, il est de Durban. Nabi Kabang. Mais Dieu l'a permis qu'il soit ici à Lubumbashi. Il s'est marié ici à Likasi. Après, il va rentrer chez eux en Afrique du Sud. Soyez le bienvenu. Moi, je suis chez nous ici, c'est chez nous. Soyez le bienvenu aussi. Et quand il a appris que je suis ici, il a dit non, je viens aussi te assister. C'est notre fils, un homme bien. Karibu sana. Soyez le bienvenu. Alléluia. Amen. Maintenant, nous voulons parler sur un thème qui est intitulé les agendas cachés. C'est un thème fort. Je verrai te donner une révélation divine. C'est Dieu qui a voulu que je te prêche ça ce matin. Maintenant, ne dors pas. Soyez à l'écoute. Alléluia. Amen. Nous lisons Jérémie chapitre 11, verset 19. Jérémie, sura 11. Jérémie chapitre 11, verset 19. Jérémie, sura 11. La Bible dit. La Bible dit. J'étais comme un agneau familier. Est-ce qu'on peut se mettre un peu debout pour les répondre à la parole? C'est ça notre verset de base. J'étais comme un agneau familier qu'on amène à la boucherie. Et j'ignorais le mauvais dessein qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants. Et connaissez-vous. Ne se souviennent plus de son nom. Amen. Kwa ajili wasikumbuke tena jina yake. Amina. Alléluia, on peut se mettre. Saint-Esprit, nous t'aimons, nous te remercions. Nous avons besoin de toi encore ce matin. Enseigne avec nous, Saint-Esprit. Parle à cette assemblée. Parle Parle-nous ce matin afin que nous disions comme David l'a dit. L'Éternel a parlé une fois et moi j'ai entendu deux fois. Bénis cet enseignement. Que la grâce nous couvre ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dis à ton voisin les agendas cachés. C'est ce que nous voulons enseigner ce matin, c'est un message qui est prophétique. Je ne dis pas prophétique, c'est pas la révélation que Dieu a mis dans cet enseignement. C'est un enseignement que Dieu veut enseigner une personne. Dieu veut éveiller la vie d'une personne. Donc c'est un message qu'on n'a pas prêché parce qu'on a des messages. Non. On devait continuer avec le Dieu des rencontres. Dieu a voulu que je parle à l'église. Je parle à une personne sur les agendas cachés. Ici, le verset de base est tiré dans le livre de Jérémie. Jérémie, c'est un prophète de larmes. Il a beaucoup pleuré dans sa vie. Jusqu'à tel point même les larmes s'est séchées. C'est pourquoi même on compare aussi Timothée comme Jérémie. Parce que Timothée aussi était un homme qui pleurait beaucoup. Mais pourquoi Jérémie, jusqu'à tel point qu'on a Jérémie a un livre qu'on appelle Lamentation de Jérémie. Jérémie a connu beaucoup de problèmes. C'est un homme qui a connu des moments difficiles. C'est un homme qui a frôlé à la mort plusieurs fois. C'est un homme qu'on voulait abattre à tout prix. C'est un homme qu'on a même enfermé dans la cour du roi pour l'exécuter. Alors cet homme de Jérémie commence à dire: j'étais comme un agneau familier qu'on amenait à la boucherie. Un agneau qu'on est habitué à amener à la boucherie. Et maintenant il dit ceci: mais quand je vivais en tant que prophète, en étant dans ma mission prophétique, en étant dans la volonté de Dieu, mais je ne connaissais pas que dans le monde du ténèbres il y avait un agenda contre moi. Écoutez, l'homme peut marcher, l'homme peut servir le Seigneur, l'homme peut être en bonne santé, l'homme peut faire tout ce qu'il fait dans sa vie sans avoir des oppositions. Mais cela ne dit pas que cet homme n'est pas combattu. Il peut y avoir un agenda caché contre lui. Les agendas cachés, c'est ce qu'on appelle les agendas maléfiques. Alléluia. Amina. C'est ce qu'on appelle les agendas maléfiques. Et maintenant, lui, il disait ceci: j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Donc, il était dans l'ignorance. Il ne connaissait pas le plan maléfique sur sa vie. Lui, il était toujours en train de prophétiser. Il était en train de servir le Seigneur de la même manière qu'il le servait chaque jour. Mais quand les gens le voyaient, on voyait un agneau qu'on doit abattre, qu'on doit écorger. Maintenant, il ne connaissait pas qu'il y avait un agenda caché. Maintenant, dans cet agenda, qu'est-ce qui avait été écrit? Dans cet agenda, on a écrit trois choses. La première des choses, on a dit: détruisons l'arbre avec son fruit. Ça, c'était la première chose cachée dans cet agenda. Et dans la deuxième chose, on a dit: retranchons-les de la terre des vivants. Et la troisième chose, on dit qu'elle ne se souvienne pas de son nom. Vous savez, le nom, c'est une chose très importante. Même dans la Bible, Dieu a changé le nom de plusieurs personnes. Quand il a changé leur nom, leur vie, même le changement de leur nom avait de l'impact sur leur vie. Maintenant, vous allez remarquer, dans le monde spirituel, rien n'arrive au hasard. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, il n'y a rien qui arrive au hasard. Écoutez, même dans le monde, et même du côté du monde des ténèbres, écoutez, même quand Dieu veut faire quelque chose, il a toujours un agenda. Chaque personne sur la terre, quand nous venons sur la terre, il y a un agenda collé à ta vie. Et cet agenda, c'est ce qu'on appelle la destinée de l'homme. Le psalmiste dit ceci: tu m'as connu avant que je sois formé dans le ventre de ma mère. Quand j'étais encore une masse informe dans le ventre de ma mère, toi tu m'avais connu et tu as écrit mes jours dans ton livre. Un agenda, c'est un livre. Donc même tes jours sont écrits dans le livre de Dieu. Même ce que tu dois vivre, c'est déjà écrit avant que tu sois venu au monde. Avant que tu sortes dans le ventre de ta mère, il y a un agenda divin. Il y a un projet de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie dans Genèse 29:11, interprète, tu es en train de me chasser, tu es en train de me faire courir. Si moi je commence à courir, tu ne sauras pas. Alléluia. Si moi, quand je finis, je pars lentement pour que toi aussi tu parles. Parce que moi, je sais courir dans la prédication. Amen. Alléluia. Je peux parler vite et tu ne sauras pas interpréter. Attends que je termine et tu parles. Amen. Parce que quand tu me poursuis, moi aussi, je vais commencer, j'aurai tendance à courir. Tu interprètes bien, mais attends que je finisse. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un bon interprète. Merci. Que Dieu t'augmente encore l'onction. Merci. Allons petit à petit. Donc, dans, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Jérémie, quand Dieu l'a rencontré, il lui a dit ceci. Kamambia hivi. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Uwe tumboni mwa mama yako nilikujua. Mais avant que tu sortes dans le ventre de ta mère, je t'avais établi comme prophète. Nilikuweka kama nabii. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Na Mungu anasema najua mipango nilifanya. Ce ne sont pas des projets de malheur. Na mipango ya ole. Et des projets, ce sont des projets de bonheur. Lakini mipango ya pour vous donner de l'avenir. Kwa ajili ya kuleta tena. Et après, vous m'invoquerez. Na kisha akasema mtaniita. Et vous partirez. Donc, cela veut dire le plan de Dieu pour que ça arrive à l'accomplissement. Il y a aussi la part de l'homme, il doit prier pour qu'il puisse partir dans ce programme. Maintenant, quand il y a l'agenda, Dieu a un agenda sur ta vie. Et c'est pourquoi Dieu, tout ce qu'il fait dans ta vie, il le fait selon l'agenda qu'il a écrit pour ta vie. Et aussi, l'ennemi aussi ne fait pas des choses au hasard. Quand ils veulent détruire la vie de quelqu'un, quand ils veulent combattre la vie de quelqu'un, quand ils veulent voler des choses dans la vie de quelqu'un, ils ont toujours un agenda contre la vie de cette personne. Et ils peuvent avoir l'agenda contre un individu, contre une famille, contre une église, contre une entreprise, contre toute une nation. Il y a des agendas collés à la vie d'une personne. Il y a des agendas collés à toute une famille. Il y a des agendas collés même à l'église. C'est toutes les églises qui prient le Seigneur, comme la vôtre. Ce sont des églises qui ont des combats. Et dans ce combat-là, les ennemis ne peuvent pas combattre cette église sans avoir un agenda. C'est pourquoi vous allez me suivre. Faites attention à ce que je vais vous enseigner. Ma prière ce soir et ma prière ce matin, c'est que tout agenda caché soit détruit par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et maintenant, avant que nous puissions aller très loin, nous devons d'abord connaître quelques définitions des agendas cachés. Premièrement, qu'est-ce que c'est un agenda? Un agenda, c'est un programme caché. C'est pourquoi vous allez remarquer, chaque personne a son agenda. Il peut écrire ce qu'il veut faire, ce qu'il programme. Maintenant, il écrit ça, mais il va le cacher quelque part. Parce que ce sont des choses qui sont cachées. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toujours l'habitude de cacher ce que tu programmes. Et il y a toujours l'habitude de cacher ce que tu veux faire. Et il y a toujours l'habitude de cacher ce que tu as programmé. Parce que si tu ne caches pas ce que tu as programmé, cela ne peut pas arriver. Parce qu'il y a des gens que tu communiques ton agenda, ils peuvent dégager une mauvaise énergie. Il y a des gens, quand tu lui fais part de ce que tu veux faire, la chose ne réussira jamais. Et ça passe. Et il y a des gens, quand tu lui dis ce que tu veux faire, ça passe. Amen. Amen. C'est pourquoi ce que tu veux faire, tu dois faire part à ton passé, pas n'importe qui. Amen, amen. Amen. Deuxième chose. Un agenda, c'est une orchestration invisible du royaume des ténèbres qui cherche à s'imposer contre ta destinée. Les agendas maléfiques, ce sont des orchestrations du monde invisible qui cherchent à s'opposer contre ta destinée. C'est pourquoi David, dans Psaume 31, verset 15, il dit: mes destinées sont entre tes mains, mais délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Donc cela veut dire ton, de ta destinée, c'est l'objet de tous les combats que tu connais là-bas. Il y a des combats qui t'arrivent, ce n'est pas parce que tu es maudit, c'est parce que tu as une grande destinée. Troisième définition, un agenda, c'est quoi? Ce sont des arrangements négatifs programmés par les forces du mal. Je reviens encore, ce sont des arrangements négatifs programmés par les forces du mal et leur agent, dans le but de détruire, déstabiliser et voler. Amen, amen. Amen. Une autre définition, c'est quoi? Un agenda, c'est une feuille de route. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont, eux, ils ont aussi leur feuille de route. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, Jésus dit à Pierre dans Luc 22, 31, il dit ceci: le Seigneur dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ça veut dire que Simon marchait sans savoir qu'il y a quelqu'un qui veut le cribler comme le froment. Il y a quelqu'un qui a une feuille de route contre sa vie. Quand tu peux marcher, tu peux avoir des projets, mais il y a une feuille de route maléfique. Il y a quelqu'un qui veut te cribler comme le froment. C'est pourquoi Jésus a dit: j'ai prié pour toi. Donc, Jésus voyait même les dangers qui étaient sur Pierre. Maintenant, il a prié pour lui. Pourquoi il a prié pour lui? C'était pour annuler cet agenda maléfique. C'est pourquoi tu as besoin aussi de la prière de l'église pour annuler d'autres agendas. Une autre définition, c'est quoi? Un agenda maléfique, un agenda, c'est aussi un plan ou une stratégie conçue par le royaume des ténèbres contre la vie d'un individu ou d'une famille, d'une nation, et tout ce que tu connais. Alors, c'est quand même quelques définitions pour que tu puisses savoir comment prier. Maintenant, nous allons maintenant entrer dans quelque chose. Vous allez remarquer, regarde d'abord le visage des agendas maléfiques. Avant que je puisse parler sur les cinq choses cachées dans un agenda maléfique. Écoutez, vous allez remarquer que quand l'ennemi a un agenda, Il attaque toujours les élites, les leaders. Anakuwa tu na piganisha waongozaji. Écoutez, chaque famille a un pasteur. Kila jamaa ina mchungaji. Chaque famille a un roi. Kila jamaa ina mfalme. Chaque famille a un financier. Kila jamaa ina mwenye anakuwa na akiba. Chaque famille a quelqu'un qui est une porte de gloire. Kila jamaa ina mtu mwenye anakuwa mlango ya baraka. Je vais te donner un exemple. Nilipenda kupa mfano. Dans notre famille, nous sommes nés 6 personnes. Ndani ya jamaa letu tunakuwa watu 6. Trois hommes et trois femmes. Wake watatu na waume watatu. Nous tous trois, nous les hommes. Lakini sisi waume. Moi je suis le père spirituel de ces cinq là. Nakuwa baba wa kiroho kwa wale watano. Moi je suis un apôtre. Nakuwa tena mtume. Mon frère le pasteur Célestin c'est un pasteur. Ndugu yangu naye ni pastori. Notre cadet c'est un prophète. Wa mwisho kwetu naye ni nabii. Un jour Dieu m'a dit qui est le pasteur de votre famille. Basi Bwana kaniuliza ni nani pastori wa jamaa. Normalement c'est moi. Ni mie tu. Dieu ne m'avait pas dit, il ne m'a rien dit. Maintenant, un jour, je suis dans un rêve. Si moja je vois ma petite soeur qui vient après moi. Ona basi mdogo yangu elle kuta était à genoux en train de prier. Alikuwa mwenye kupiga magoti elle citait nos noms. Elle priait pour nos ministères. Alikuwa na omba kwa elle priait pour nos enfants. Aliomba juu ya watoto. Et Dieu me dira que c'est là votre pasteur ni de la famille. Pastori wa jamala yenu. Elle n'a pas une église. Asina na kanisa. Elle n'est pas puissante. Asina mwenye uwezo. Nous aussi on prie. Na sisi tunaomba. Ce que j'ai entendu en train de prier. C'était fort. Il croit en gouffre ça. Elle dort pas cette femme. Yeye asisinzie. Elle prie pour vous. Et qu'on a omba. C'est elle qu'on doit protéger. Ni yeye tunapasha kumba. C'est elle qu'on doit prier pour elle. Ni yeye tunapasha kumba. C'est notre pasteur. Kwa maana ni yeye mchungaji wetu. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez remarquer quand Namuta. On a mis les agendas maléfiques. On a wakati kuna kuwa majendari ya pepo. Vous allez regarder l'agenda maléfique, on l'a fait sur Joseph. Majendari ya pepo inatungwa kuhusu Yusufu. Quand vous allez remarquer cet agenda, on a planifié Walipanga. De l'exterminer avant d'accomplir ce que Dieu a prévu pour lui. Uwa bele ya kutimiza nye Mungu alipanga. Et vous allez voir que dans Genèse 37 et 18 à 20, Namuta, ona mumwanzo quand ils ont vu Joseph de loin, ils complotèrent contre lui. Et ils ont dit, tuons-le. Et nous allons voir maintenant qu'est-ce que vont devenir ces songes. Alors il y a des gens qui te précèdent. Qui veulent anticiper pour ta destinée. Vous avez remarqué la deuxième personne. C'est Moïse. Avant que Moïse vienne au monde, un agenda maléfique a été écrit. Et a été écrit. Là on a dit qu'il faut tuer tous les mâles qui ne sont pas chez les Hébreux. On ne cherchait pas le mal. On cherchait la personne de Moïse. Vous allez remarquer Jésus à sa naissance aussi. Hérode a prévu de tuer tous les nouveaux-nés. Hérode ne cherchait pas les autres nouveaux-nés. Il cherchait Jésus-Christ avant que lui puisse sauver le monde. Qu'il soit exterminé. Écoute, tu connais, tu peux marcher. Tu as un agenda de Dieu. Mais dans cet agenda de Dieu, il y a aussi des agendas maléfiques qui se cachent à côté de l'agenda de Dieu. Et ces agendas maléfiques sont là pour contrer l'agenda de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi ma prière ce matin est que Dieu te donne la victoire. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour connaître cet agenda maléfique. Maintenant, dans chaque agenda maléfique, il y a trois choses suivant très bien. La première des choses, il ne peut pas y avoir un agenda tant qu'il y a un complot. Alléluia. Amina. Un complot ne peut pas arriver s'il n'y a pas une réunion stratégique. Le complot n'est pas l'affaire d'une personne. Le complot, c'est l'affaire de plusieurs personnes qui se mettent sur une table pour commencer à ériger, à écrire l'agenda. Les frères de Joseph ont fait quoi? Ils ont vu Joseph de loin. Directement, ils se sont assis. Ils ont dit ceci: complotons contre la personne de Joseph. Écoutez, il y a des gens, si vous allez dans Actes chapitre 23. Vous allez remarquer du 12e verset au 15e verset. La Bible dit, il y a 40 personnes qui ont gêné. qui ont dit ceci, on ne mangera pas ni point jusqu'à ce que Paul soit exterminé. Donc, il y a 40 personnes qui se sont mis sur une table et ils ont décidé de jeûner pour tuer. Écoutez, quand là toi tu échappes au jeûne, mais les sorciers peuvent aussi gêner pour détruire ta vie. Écoutez, les gens croient que c'est seulement nous qui sommes le Seigneur que nous gênons. Tu n'as pas chez qu'on a même des sorciers qui gênent. Ils peuvent entrer dans un jeûne. Ils peuvent faire des alliances. Ils se mettent quelque part. Ils disent que si nous n'arrivons pas à faire tomber la personne, on n'ira pas, on ne peut pas manger. Écoutez, le monde des ténèbres ne travaille pas en solo comme les chrétiens. Le monde des ténèbres travaille par des coalitions. Écoutez, dans la vie spirituelle, ta victoire est déterminé par tes partenaires dans la guerre. Kupiti ya watu wenye unakuwa na vita. Qui est comme partenaire? Uko na nani kama mwenye partenaire? En dehors de Jésus. Nyume tu ya Kristo. En dehors du Saint-Esprit, le grand partenaire. Nyume na Roho Mtakatifu. Tu es qui comme ami dans ta vie? Ni nani rafiki yako? Tu dois avoir quelqu'un aussi à côté de toi. Unapasha kuwa na mtu pembeni yako. Tu peux aussi prier avec toi. Mwenye anapasha kuomba nawe. En matière de la prière. Maana ndani ya tuo maombi. Il y a des dimensions. Kuna maatua. En matière de prière. Maombi. Il y a des gens quand ils disent quelque chose. Kuko watu wakisema kitu. Dieu ouvre des portes. Na Mungu anafungua milango. Il y a des gens quand ils disent quelque chose. Kuko mtu kama anasema kitu. Les sorciers qui te compliquent là. Atawalozi wenye wanatumbe. Wanaanguka. Il y a des gens quand disent quelque chose, la chose s'arrête. Le premier partenaire, c'est ton pasteur. Alléluia. Amina. Maintenant, les chrétiens, ils vivent. Et, écoutez, la Bible dit Dieu vaut mieux qu'une seule personne. Deux vaut mieux qu'une seule personne. Je vais vous donner un exemple. Les balais, c'est l'ensemble de plusieurs tiges. Mais si on te donne l'ensemble de plusieurs tiges là, on te dit de briser. Ça sera difficile de briser. Mais si on retire seulement une tige, même un bébé peut faire quoi? Peut briser ça. Donc, c'est pourquoi l'église, la Bible dit, il est agréable au frère de demeurer ensemble à l'unité. C'est comme de l'huile fraîche qui descend sur la tête d'Aaron jusqu'au pan de la robe. Maintenant, l'ennemi sait que s'il veut terrasser les gens, s'il veut détruire une famille, s'il devait détruire un couple, s'il veut détruire une église, il va créer ce que nous disons, diviser pour mieux régner. Donc vous êtes dans un même couple, mais vous êtes des ennemis. Vous êtes dans une même église, vous êtes des ennemis. Et l'ennemi a fait le tout possible de créer beaucoup d'ennemis dans l'église. Donc les frères tels ne parlent pas avec les frères tels. Des fois nous essayons de faire des coalitions parce que déjà il y a des fois quand tu te confies à quelqu'un au lieu de compatir avec toi, il va maintenant commencer à le proclamer, à dire aux gens, il est venu ici, il est arrivé à la fin. On attend seulement quelques jours, on va le chasser au travail, on va le chasser dans les mariages, il va mourir. Quelqu'un est content de voir son frère souffrir. Quelqu'un est content de voir son frère perdre le travail. Maintenant, s'il perdait le travail, même les dîmes vont diminuer dans l'église. L'église ne peut pas avancer sans argent. Est-ce que j'ai parlé? On ne peut pas seulement dire Alléluia contre les instruments de sang. Wasi vyombo vipate kushuka. Il faut l'argent. Na pasha feza. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on devait avoir beaucoup de personnes qui ont la pasha kona watu wengi na feza. Est-ce que j'ai parlé? Et tina sema? J'ai parlé. Et tina sema? Alléluia. Amen. Les complots. Matengenezo. Il y a des gens qui peuvent s'asseoir pour détruire la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent s'asseoir pour changer l'image de la vie de quelqu'un. pour le décourager même de servir le Seigneur. Écoutez, dans la vie, il y a la loi du respect. Ce que tu respectes, c'est ce qui va t'arriver. Si Dieu élève quelqu'un ici, tu respectes ce que Dieu fait en lui. Toi aussi Dieu va te respecter. Si tu es content de l'élévation de quelqu'un, toi aussi Dieu va t'élever. Parce que l'homme va récolter ce qu'il a semé. Si je sème l'amour, si je sème le respect, je vais aussi rencontrer le respect. Donc vous devez avoir cette culture et valoriser ce que Dieu élève. Si tu élèves quelqu'un ici, même si il était en lambeau, si Dieu l'élève, ne sois pas un chiméi. Il faut l'honorer. Il faut l'aimer. Alléluia. Amen. Et quand vous l'aimez, tu as acheté une très belle voiture. En tout cas, que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Ah, c'est beau. Nikema zaidi. Mais toi là, tu dis. Lakini wana sema. Oh. Yangwanzu. Kile ni kingwazu. Même les pneus là. Atele mipeto. Il ne fera pas une année avec ça. Astafanya mwaka na ile gari. Maintenant, c'est Dieu. Oui, Mungu. Donne-moi une voiture. Nipatie gari. Il ne donnera pas. Asiwezi kukupatia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si ta soeur a été mariée, sois content d'elle. Furahia juu yake. Va même un jour, tu vas à la maison, tu sers, tu balais sa maison, tu dis ma soeur, en tout cas, nous bénissons Dieu. Tu as donné un bon mari, prions pour ta famille. Oh, ni mzuri jama. Même le mari là. Il ne sait pas s'habiller. C'est son mari. Même s'il ne sait pas s'habiller, c'est son mari, non? Ni mbwana yake. Alléluia. Attends aussi voir toi aussi celui que tu vas te masser sur la table. Toi aussi tu auras un monsieur qui ne connaît même pas s'habiller. Na we utakupata ule muntu asijue kuvaa. Il est comme un drapeau, il porte plusieurs couleurs. Marangi mingi zaidi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons unis. Tuwe pamoja. Les sorciers travaillent en coalition. Wachawi wanatumika mmoja. Mais vous travaillez en solo. Lakini nyinyi mnatumika mkwacha. Un homme seul. Mtu mmoja. Sera brisé facilement. Atavunjwa kwa wepesi. Alléluia. Amen. Je vais te donner un exemple. Taleta. Si y a un monsieur qui donne beaucoup d'offrandes aux gens. Kama kuko ndugu bwana analeta tena masadaka nyingi. Mais il donne pour l'église. Lakini analeta kwa ajili ya kanisa. Même pour les briser c'est un peu difficile. Atajua kumvunja ni nguvu zaidi. Parce qu'il y a des gens qui prient pour lui. Kuko watu wanaomba tu yake. Dieu. Mina. Balose, bon. Je suis en train de briser toutes sortes de choses. Alléluia. Même c'est pourquoi dans ta vie, il ne faut pas manger seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui donne, qui aide les autres, moi il crée des dettes morales. Et qu'on je commence à prier. Montre, c'est bien Seigneur lui qui Dieu de grâce. Mungu protège cet homme. C'est pourquoi l'homme va commencer à échapper. Mungu, lui-même ne saura pas comment est-ce qu'il échappe aux choses. Si parce qu'il y a des gens qui disent mes enfants allaient manquer les minervales à cause de lui. Il va même frapper des sorciers innocents qui tournent tout autour de toi. Alléluia. Amen. Mais toi, lakin tu marches en solo. Mais les sorciers s'assoient. Ils peuvent inviter même les sorciers de la Tanzanie venir ici à l'Ikasi. Ils peuvent inviter des gens qui viennent de Nigeria. Pour combattre, écoutez, un homme ou un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Être enfant de Dieu, c'est toi qui ne connais pas ton identité. Un enfant de Dieu, pour le faire tomber, ce sont des coalitions et des coalitions. C'est toi qui ne connais pas. Quand on t'envoie 40 démons, quand tu envoies 500 démons, ce n'est pas toi, tu es seul. Mais en toi, il y a 19 démons. Cela veut dire que tu es puissant. Alléluia. Amen. Nous, on fait des délivrances. Hein. On voit des choses. Quelqu'un a 50 démons. J'avais prié pour une personne il y a des années passées. J'impose les mains. Il était paralytique. Il avait des gens comme ça. On dit qu'il voit des démons la nuit. Il crie. Maintenant, quand il est venu, moi je n'ai pas prié pour qu'il puisse marcher. Parce qu'à cette époque-là, je n'avais même pas la foi de me faire marcher un paralytique. J'avais la foi de chasser les démons, la foi de prier pour les malades. Maintenant, quand j'ai commencé à chasser les démons, il est tombé. Quand il est tombé, il a dit, je sens une voix qui dit, nous sommes à 6. Oh, 6. 6 démons. On chasse. Et c'était à 7. Parce que l'autre il a dit nous sommes à 7. Quand je chassais les démons, le monsieur s'est mis debout. Il a commencé à marcher. Et moi, et sa femme, et sa famille. Tout son a crié hey! Commence à marcher. Il a fait 5 pas, il est tombé. Un autre démon dit moi, je suis son grand-père. Vous ne saurez pas me faire partir. On a chassé le grand-père. Et la personne a marché. On avait dit il n'avait pas un démon. Il avait 6-7 démons. Écoutez, quand on te combat, toi tu peux te négliger parce que tu n'as pas l'argent. Tu te négliges parce que tu es locataire. Tu te négliges parce que tu n'as pas une belle voiture. Mais dans le monde du ténèbre, dans le monde spirituel, tu pèses tellement. Tu es très lourd. C'est pourquoi ils ne peuvent pas réussir. Il faut qu'ils s'en vite beaucoup de personnes. Il faut qu'il y ait des complots pour te détruire. Mais j'aime la Bible quelque part. La Bible dit ceci. Si on forme des complots, cela ne vient pas de Dieu. Si les complots sont formés, ce n'est pas Dieu qui les a formés. Ce sont les ennemis qui les ont formés. Mais la Bible dit ceci. Si on forme les complots, cela ne vient pas de moi. Et tous ceux qui ont formé des complots, ils tomberont sous ton pouvoir. Ils tomberont à tes pieds. Ma prière ce matin, qui ont formé des complots, ils tombent à tes pieds. Au nom de Jésus. Aïe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ces gens qui sont assis quelque part. C'est pourquoi dans tes rêves, tu vois, il y a des gens qui sont sur une table. Tu vois tout dans tes rêves, il y a des réunions. Tu te poses des questions. Pourquoi je rêve toujours des groupes de gens assis? Dieu veut te révéler qu'il y a un agenda caché. Il y a des complots dans le monde du ténèbre. Il faut s'élever. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Nous devons être des hommes de prière. La prière est une puissance spirituelle qui t'aide à participer dans toutes les réunions du monde. Au travers la prière, tu peux participer dans toutes les réunions du monde. Tu peux participer dans la réunion céleste au ciel. Tu te révèles des choses. Tu peux entrer dans les réunions des sorciers. Tu vois ce qu'ils disent. Tu peux entrer dans les réunions du travail. Écoutez, il y a des gens là où tu travailles. Ils ont fait des complots contre toi. Grâce à la prière, tu peux entrer, tu vois ce qu'ils ont dit. Si tu négliges la prière, tu y as cessé de participer aux réunions maléfiques. Wow. Hier j'étais à la montagne de prier. Jana nilikuwa kumulima niko naomba. En train de prier, en train de prier. Niko naomba naomba. Je vois un monsieur qui arrive. Ona nduku mwanafika. Il donne des prophéties. Ana leta mata. Il a dit des choses vraies. Sema bintu bya kwenu. Dieu me dit à cause de cette prière. Mungu anasema tu amo. Ya sa ya sa. Kuko ibi kuko ibi kuko ibi. Dieu va faire ça. Na Mungu atafanya hiki na kile. Il y a quelqu'un qui a comploté. Kuko mtu mwenye alipanga mambo. Quelqu'un qui planifie ça. Kuko mtu alipanga hivi. C'est dire quand j'étais à la montagne, nduku kumulima. Dieu a révélé des choses clairement. Et ce que j'aime maintenant, c'est que tu as dit, c'est lui qui a comploté. Je vois un cercueil. On va l'enterrer. Nous sommes des dangers de mort. Faites attention à un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Dites Jésus-Christ. Oui, mon toi Christ. Tous les complots maléfiques. Lisons d'abord Daniel 6 et 6. Tu sommes Daniel sur la cita, vers la cita. Daniel 6, 6. Daniel Suraya Sita. La Bible dit. Bien assez. Puis ses chefs. Kishamakida. Et ses satrapes. Se rendirent tumultueusement auprès du roi. Et lui parlèrent ainsi. Roi Darius. Vit éternellement. Tous les chefs du royaume. Les intendants. Les satrapes. Les conseillers. Et les gouverneurs. Sont d'avis. Qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours s'adressa des prières à quelques dieux ou à quelques hommes excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Des gouverneurs, des satrapes, des conseillers du roi. Ils se sont mis pour interdire la prière. Vous savez, quand on complote dans le monde des ténèbres, on combat aussi ta vie de prière. On t'interdit de prier. Pourquoi il y a des temps, tu vas remarquer ta vie de prière devient tellement lourde. Quand tu veux prier, c'est le sommeil. Quand tu veux prier, c'est lourd. Donc, cela veut dire ça, c'est un signe que dans le monde des ténèbres, il y a des complots contre toi. Il y a des gens qui t'interdisent à prier. Parce que ça, quand tu vas prier, tu vas détruire le royaume. Mais ce n'est que toi qui néglige cet état. Donc tu dors. Tu as commencé la prière à genoux. Tu te retrouves sur le lit. Dans les draps, tu ne sais pas comment est-ce que tu es entré. Là, il faut tirer attention. Là, il y a déjà un complot. Pour que toutes les réunions secrètes soient anéanties. La deuxième des choses, ils vont créer un plan. Ils vont créer un schéma. Écoutez, quand ils complotent, ils passent toujours par des schémas. Alléluia. Ils vont créer un plan. Ce que nous disons en anglais, des patterns. Donc, le pattern, cela veut dire ils vont tracer un chemin. Et les chemins qu'ils vont tracer, ce sont les chemins qu'ils vont utiliser pour en finir avec toi. Écoutez, acte 23, verset 12 à 15, quand on a mis Pierre en prison, les Juifs n'étaient pas satisfaits de voir Pierre en prison. Ils ont giré sur sa mort. Ils ont gelé pendant 40 jours. Ils ne peuvent ni boire ni manger afin que Paul soit tué. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont allés voir des sacrificateurs. Ils ont dit ceci aux sacrificateurs: maintenant nous allons faire ceci. Vous les sacrificateurs, dites au roi, dites au gouverneur ainsi qu'au chef de la prison, dites que amenez-nous d'abord Paul. Nous avons quelques questions à lui poser. Maintenant, ils croiront que vous l'amenez seulement pour qu'il soit interrogé. Et après, il va rentrer en prison. Maintenant, il dit, quand ils seront en train de l'amener, avant qu'il arrive là où vous êtes, nous là au milieu, on va l'exterminer. C'est un plan qu'ils ont planifié. Écoutez, tu peux marcher, tu peux vivre, mais il y a déjà un schéma tracé. Il y a un plan qu'on a déjà établi. On sait, on va commencer par ici et on va arriver jusqu'ici. Depuis des fois dans le plan, il peut d'abord commencer à te faire partie de ton église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le plan de l'ennemi est compliqué. Est-ce que tu connais que on peut même t'ouvrir une porte du travail? Mais c'est un piège. Est-ce que on peut t'ouvrir la porte du mariage? Mais c'est un piège pour ta vie. Il y a une sœur qui avait eu le travail à Kin. Son pasteur lui dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. La sœur a dit, oh, dada kashtuka. Le travail. Oh, kazi. N'est pas la volonté de Dieu. Or, la Bible dit, Biblia nasema, celui qui ne travaille pas, il ne doit pas non plus manger. Papa, c'est toi qui prie pour nous. Papa, et tu dis que ce n'est pas la volonté non, de Dieu. Na mapenzi ya Mungu. Hey. Hey. Oh, c'est tellement étonnant. Elle a quitté l'église. Elle a commencé le travail. Elle avait un bon salaire. Les missions de service ont commencé. Europe. Et ce pasteur, c'est un villageois. Il va mourir pauvre. Moi, je donne des dîmes dans notre église. Maintenant, quand elle est allée avec ce travail après 2 ans, son patron lui dit, tu as 2 choses à choisir. Je te chasse du travail. Ou je te laisse au travail. Je t'augmente. Je te donne la promotion. Mais à moins que tu sois ma copine. C'est là que les choses ont commencé. Elle a réfléchi. Elle a vu ses amis. Il commence à sauter avec les patrons. Elle a eu des promotions. Grand salaire. Des voyages missionnaires. En Europe. Europe, Asie. La femme du monsieur a eu l'information. Elle dit, oh non, c'est cette femme qui a détruit mon mariage. Elle a cherché 4 bandits. Les bandits ont kidnappé la sœur. Ils ont violé la sœur. Ils ont détruit sa vie. Et la maman est venue. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris des boîtes de tomates. Elle a troué avec des clous. Elle a commencé à raser les visages. Elle a créé des vénévoires. C'est là que la sœur avait compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais ma prière ce matin est que tu ne puisses pas comprendre que ce n'était pas la volonté de Dieu qui déjà détruit. Tellement qu'ils ont tabassé la sœur. Même la matrice a été détruite. Alors la maman a dit, éliminez-la. L'un des bandits a dit, on a déjà fait trop de mal. Elle ne peut plus encore rentrer dans cette histoire. Laissez-la. On l'a laissé. On l'a ramassé quelque part du côté fleuve. On l'a amené à l'hôpital. Elle est guérie. Elle n'a plus de matrice. Elle ne peut plus se dévoiler le visage. Elle a laissé même le travail. Elle est rentrée dans sa première église. Elle a dit, pasteur, je n'avais pas compris. Akase ma baba siku elewa baba. T'avais injurié. Likutusi. Donc on peut dans le plan. Mipango. On peut même entrer dans les choses qui paraissent comme la volonté de Dieu. Tunaweza kuingia mvitu vya tunaona kama ni mapenzi. On va t'exterminer. Na nikule unaweza kuwa. Tu dois avoir la sensibilité spirituelle. Kwa maana napasha kuwa na sikilivu wa kiroho. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eti niko nasema na mtu. Je parle à quelqu'un. Nasema na mtu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se sont mariés. Kuko watu walielewa. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Lakini hakukuwa mapenzi. C'était pour détruire leur vie. Ilikuwa ni kwa ajili ya kuharibu maisha. Il y a des gens qui avaient le visage des hommes de Dieu. Watu walikuwa tu na mauso. Enfants de Dieu qui sont venus dans ta vie. Quand tu croyais que ce sont des bons, mais ce sont des gens qui sont venus dans le plan de l'ennemi. Comme Dieu nous donne des connexions, les agendas maléfiques aussi peuvent aussi organiser des connexions. Tu croises quelqu'un qui a le visage de Dieu, qui a le visage d'un prophète, visage d'un apôtre, visage d'un pasteur, visage d'un monsieur puissant dans la prière. Mais derrière cet homme, il n'y a pas Dieu. C'est quelqu'un qui a été envoyé dans ta vie pour te détruire. Maintenant, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan sans... Écoutez, quand vous allez remarquer Esther chapitre 3 verset 6, vous lisez jusqu'au 13e verset, vous allez remarquer que Aman a séduit le roi Assuéris. Alipata tena kuweka et ils ont fait un plan. Ils ont écrit des lettres dans toutes les provinces pour détruire la nation d'Israël. Et là, ce n'était pas toute la nation. Là, on cherchait une seule personne. C'était la personne de Mardochée. Maintenant, vous allez remarquer la troisième des choses. Il ne peut pas y avoir un plan. Un plan maléfique dans les agendas sans qu'il y ait des agents exécuteurs du plan. Et toute personne qui a un plan, il doit chercher un constructeur, celui qui va exécuter le plan. Maintenant, la chose qui est terrible ici, les exécuteurs des agendas maléfiques, des plans maléfiques, ce n'est pas seulement les sorciers. Ça peut être aussi un enfant de Dieu qui n'a pas une vie de prière. Il est dans l'église. Il a reçu le Seigneur, mais il commence à exécuter ce que les sorciers ont planifié. Je vais te donner un exemple. Les sorciers peuvent planifier de tuer quelqu'un. Maintenant, ils les ont déjà tués. Maintenant, pour cacher cette histoire, il faut créer la colère en toi. Tu tapes quelqu'un, il tombe, il meurt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un pasteur à Congolo, qui était très puissant. On l'a cherché. Mais on n'a pas trouvé. Maintenant, ils ont fait le complot. Dans ce complot, il y avait sa mère. Et d'autres personnes de l'extérieur. Parce que pour te combattre, pour te livrer, il faut qu'il y ait quelqu'un de toi pour leur donner l'accès. C'est pourquoi quand on voulait prendre Samson, il fallait que les Judéens puissent livrer leur frère. Il fallait que sa femme le livre. Maintenant, quand ils ont échoué, ils ont donné la maladie, une maladie fake. À sa mère, la mère est allée se faire soigner. Elle était maintenant dans la maison de son fils pasteur. Maintenant, quand ils étaient là, la mère était en train de planifier les choses. Un jour, ils sont à table, en train de vouloir manger. L'un de ses enfants, il s'est lavé les mains et il a fait comme ça. Tchac, tchac, tchac. Maintenant, l'eau est sautée au visage du pasteur. Directement, on a provoqué une colère en lui. Il s'est mis en colère. Il dit, toi, c'est quel comportement? Il tape l'enfant. L'enfant tombe. Et l'enfant meurt sur place. C'est la maman qui crie, ah! Le pasteur a tué! On récupère le pasteur, on le jette en prison. Il a fait 10 ans en prison. Le ministère foutu, l'église était dispersée. Lui-même a exécuté le plan des sorciers. Lui-même. Il était agent exécuteur. Il a tapé l'enfant. Mais l'enfant était déjà tué. Il fallait que lui exécute. Et pourquoi vous allez remarquer, même ici, faites attention. Tu peux être dans cette église, mais tu commences à exécuter le plan de l'ennemi dans cette église. Écoutez, même Jésus a dit ceci. Malheur à qui? Alléluia. Jésus savait qu'on va le livrer. Mais malheur. À qui le plan sera exécuté? C'était le plan de Dieu. Il fallait que Jésus soit exécuté. Mais il a dit malheur. C'est lui par qui la chose va passer. Ça c'est lui que 17 verset 1er. Écoute, Église de Dieu. Que le Dieu de papa désiré puisse t'aider ce matin. Ne sois pas les gens veulent combattre l'église, mais ils vont utiliser toi dans ton département, là où tu es. Tu deviens obstacle pour l'église de Dieu. Tu deviens un diotrèfe dans l'église de Dieu. Vous avez diotrèfe, c'est quelqu'un qui chasse les gens à l'église. Faites attention. On peut t'utiliser. Mais quand on t'utilise, malheur à toi. Quand Quand tu utilises, il y aura des problèmes dans ta vie. Parce que tu dois beaucoup prier. Tu dois avoir la culture de proclamer des choses. Tu te réveilles le matin. Tu dis à Dieu, protège-moi. Protège ma bouche. Que je ne sois pas un agent exécuteur du plan de l'ennemi. Que je sois agent exécuteur du plan de Dieu dans l'église. Du plan de Dieu dans ma famille. Du plan de Dieu dans la vie de plus tard. Watu wengi Juda était avec Juda alikuwa na Kristo la utilisé lakini walimtumikisha des fois même si tu es sauvé marengine kama kumu caractère que tu dois c'est aina yenye unapasha kupasa servir de ce caractère kwa maana unaweza kutumikisha le maina pour te faire agent exécuteur kwa ajili ya kukufanya kuwa mtu mwenye atatimiza mpango. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Et tu n'as pas na muntu. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Et tu n'as pas na muntu. On avait aussi voulu utiliser Assuérus. Penda tena kutumikisha Assuérus. On fait entrer le roi dans une histoire. Wanamuingisha mfalme ndani ya dis. Ou même sa femme allait être tuée. Kule hata mke wake alipasha kuwa. Grâce à la prière de Esther. Lakini kupitia maombi. C'est là que le roi a compris. Kule mfalme alielewa. C'est pourquoi tu dois faire la prière. Comment on apasha kwa maombi. Tu dois être un homme de prière. Unapasha kwa mtu maombi. Que tout agent exécuteur. Soit anéanti au nom puissant de Jésus. Amen. Que mtina la Yesu. Même dans cette église, attendez à Canis que tout agent exécuteur ne va changer par la puissance de Dieu. Que Dieu te rencontre, que Dieu te change. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'aime. Mais que tu ne sois pas un Judas au milieu de cette église. Que tu ne sois pas un Judas dans le mariage de quelqu'un. Que tu ne sois pas un Judas dans le travail de quelqu'un. Tu es sauvé mais au travail là. On t'utilise pour que tu ne sois pas une autre personne. La Bible dit maudit toute personne qui combat son frère en secret. Que je parlais à quelqu'un. Je parlais à quelqu'un. La quatrième des choses. Quand il y a un agenda. Wakati kuna kuwa il y a des langages maléfiques. Kuna kuwa na misemo mbaya. Regardez, Jérémie ne savait pas. Mutaona Yeremia sikujua. Ils n'ont pas dit exterminons les prophètes. Nasema tena, ils n'ont pas dit exterminons Jérémie. Tuua huyu Yeremia. Ils ont dit détruisons l'arbre. Wakasema tuharibu mti. C'est un langage munaona ni que tu ne peux pas comprendre. Yenye huwezi kuelewa. Mais on parle de toi. Lakini mimi kuna kusema aussi tu es là. Na wewe uko pale. On n'a pas dit détruisons Joseph. Awa kusema tu on a dit Yusufu. Les faiseurs de songes. Wakasema mwenye na otaka mandoto. Il y a des gens qui pètent dans le complot. Kuko watu wanaweza parler dans le langage de la gente. Mais toi tu ne comprends pas. Wewe awenewe. Et toi aussi tu contribues dans wewe unatunga pale. C'est vrai. Ndio ni kweli. Que Dieu te donne la révélation. Akupe ufunuo. De déchiffrer leur langage. Ya kusikia misemo yabo. Même Jésus parlait, il disait que si on fait à un arbre, il parlait de lui-même. Jésus a appelé Hérode le loup. On peut t'appeler dans un nom que le Dieu Tout-Puissant puisse t'aider à comprendre les langages et Dieu t'ouvre les oreilles pour comprendre que c'est de toi qu'on parle dans cette réunion. Alléluia. Amina. Qui a déjà suivi les films d'espionnage? Dans les films d'espionnage, on dit, l'agent B. Mutu apili. L'argent B. Mutu apili. Mais toi, tu ne peux pas comprendre. Oh, l'argent B, c'est toi. Mutu apili. L'argent B, c'est toi. Mutu apili, ni wewe. La dernière des choses dans l'agenda, c'est ce qu'on appelle le calendrier maléfique. Chaque agenda a un calendrier. Ça sera la fin de mon message. Alléluia, Église. Amen. Il y a un calendrier qu'on appelle le calendrier maléfique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? La Bible dit dans Acte 12, on dit ceci, Acte 12, le verset... premier jusqu'au cinquième verset. On dit que Hérode a pris la personne de Pierre. Pourquoi Hérode a pris encore Pierre? Après avoir tué Jacques, il a encore attrapé la personne de Pierre. C'est parce qu'il y avait une chose. Et la chose qui était là, c'est quoi? La chose qui était là est que quand il avait tué Jacques, il a sacrifié sur son autel de sa royauté. Et sa renommée était accrue. Les gens l'ont aimé. Alors il dit non, non, que je prenne encore la deuxième personne. Car si je prenais encore Pierre, j'aurais encore de la popularité. Il y a des gens qui veulent te sacrifier pour s'enrichir. Il y a des gens qui veulent te sacrifier pour avoir des titres. Maintenant, il dit ceci. Il a pris Pierre pour l'exécuter après la Pâque. Il y avait déjà un calendrier. Écoutez, le calendrier dans l'agenda peut être même de 20 ans, de 5 ans, de 3 ans. Il planifie que nous sommes dans 2025. Mais nous, on va exécuter notre plan dans 2035. Les 10 ans ici, quand il y a tellement de paix dans ta vie, tu ne vois pas de combat. Tu vois que tout marche à rose. Fais attention. Il y a quelque chose. Tu peux dire, ah, en tout cas, Dieu m'a donné la victoire. Non. Ils n'ont pas fermé les yeux. Ils savent qu'après 10 ans, ils peuvent te surprendre. Un jour, paf, et tu es fini. Tu dois prier le Seigneur. Tu dois invoquer la puissance de Dieu dans toute ta vie. Le combat spirituel, c'est la chose de la vie. Même si tu ne vois pas les attaques, tu vas continuer à prier. Il y a des calendriers de 10 ans. Il y a des calendriers d'un jour. Il y a des calendriers d'une année. Et le calendrier maléfique qu'ils ont planifié, que cela soit détruit au nom puissant de Dieu. C'est ça la dernière chose. Il y a des calendriers. Alléluia. Amina. Il y a des dates que tu vois sur les croix. Des hommes dans les tombes. Ce sont des dates maléfiques. Il est mort avant son temps. Ils ont planifié le 14, ceci et cela. L'année telle, on va l'exécuter. C'est vrai, vous allez remarquer, quelqu'un tombe brusquement. La Bible dit, ne craignez pas celui qui tue le corps. Il y a des gens qui sont morts avant le temps. Ils sont en train de souffrir dans le monde spirituel. Mais tout calendrier maléfique soit détruit au nom puissant de... Ils disent que tu vas travailler, après 5 ans, ils vont déduire ce travail. Maintenant, pour finir avec cet enseignement, tu dois apprendre qu'il y a 5 choses. Première des choses, c'est le complot. Deuxième chose, c'est le plan. Troisième chose, les agents exécuteurs. Quatrième des choses qu'ils ont fait, c'est quoi? La quatrième des choses, c'est le langage maléfique dans leur agenda. La cinquième des choses, c'est le calendrier. Ils ont planifié l'heure, la date, le mois et l'année. Que le Dieu Tout-Puissant détruise leur calendrier. Que toi, tu marches dans le calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu. Tu ne mourras pas à l'heure. Tu ne seras pas de tout à l'heure. Tu vas vivre la victoire. Tu vas te protéger. Ton mariage ne sera pas de toi. Ton travail ne sera pas de toi. Que leur calendrier soit détruit au nom de Jésus. Maintenant, pour en finir avec ça, tu dois te lever. On n'a pas chaque semaine. Avec une révélation spéciale. Vous savez, quand ils ont fait le plan, le neveu de Le neveu de Paul a écouté et il a dit à Paul, il y a des gens qui veulent t'exécuter. Le neveu de Paul, c'est l'image de la prophétie. C'est l'image de la révélation divine. C'est l'image de la parole qui te révèle. Écoutez, même les agents exécuteurs peuvent être les prophètes qui ne sont pas dans la... Écoutez, quand Dieu a voulu exterminer Akab, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un démon de mensonge qui est entré dans les bouches des prophètes. Ils ont prophétisé le contraire en lui disant, va à la guerre. Quand il est parti à la guerre, c'est là qu'il a été exécuté. J'ai de l'estime aux prophètes. J'aime beaucoup les prophètes. Moi aussi, je prophétise. Mais dans toutes choses, il faut avoir le discernement des esprits. Alléluia. Amen. Il y a des gens qu'on a dit que c'est ta femme. Mais c'était leur mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a de vrais prophètes. Kuko wanabii wa kweli. Je les aime, nous devons en avoir. Na wapenda na tunapasha kuwa na voix prophétique. Wanapasha kuwa na zawadi. Déceler qu'il y a, il y a un complot. Nous devons en avoir. Même ici à l'église, nous devons en avoir beaucoup. Mais que le fait là soit loin de cette église. Soit loin de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la dernière des choses, il faut avoir l'alliance avec Dieu. Dans l'alliance avec Dieu, ça te protège à l'agenda maléfique. Et la dernière chose, tu dois être une femme de prière, un homme de prière. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Et tu jumbe. Ça, ce n'est pas le message de ton voisin. Il y a un jumbe à Jirani wako. C'est un message à toi. Nous jumbe wako. En tant qu'enfant de Dieu. Kama mtoto wa Mungu. Il bakie mwakiri. Que ça reste en moi dans ta tête. Il bakie mwakiri. Que ça soit gravé en toi. Tu peux marcher. Unaweza kutembea. Mais il y a un agenda. Lakini un agenda. Mais là où tu es, je me rasque. Tel que tu es sur la chaise, paka viloko mwenye kuikali. On fait une prière de 5 minutes. Tuko nafanya maombi ya dakika 5. Et on s'arrête par là. Na tunasimamia pale. Dites Jésus-Christ. Yes. Dites dans à haute voix Jésus-Christ. Jésus-Christ. Merci. Merci. Pour cet enseignement. Pour cet enseignement. J'ai besoin de la chorale. Choir. Vous allez seulement chanter, Dieu va vous visiter en chantant. Vous allez seulement donner mon cantique là de Alléluia. Alléluia. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai compris le message. Et je comprends. Et je comprends. Qu'il y a des agendas cachés. Qu'il y a des agendas cachés. Ce matin. Ce matin. J'ai détruit. J'ai détruit. Tous les complots. Tous les complots. Contre ma vie. Contre ma vie, contre ma destinée, contre ma destinée, contre ma famille, contre ma femme, contre mon travail, contre mon travail, contre ma santé, contre ma santé. Commence à prier. Anja Kumba. Prie au nom de Jésus. Toutes les réunions secrètes. Toutes les réunions maléfiques. Continue à détruire là où tu es. Dites à Dieu, j'ai détruit. Tu tapes le maître fort. Ça peut être pour toi seulement. Peut-être que ce n'est pas pour tout le monde. Mais tu dis à Dieu ce matin. Wow. Prie au nom de Jésus. Prie sérieusement là où tu es. Omba fazi unakuwa. Dites à Dieu non. Sema na Mungu. Les réunions secrètes. Mama shauri asili. Les détruis ce matin. Ina haribu asubuhi ya leo. Tape le main là où tu es. Pika mikono pale huko. Au nom de Jésus. Priez, dites à Dieu. Les réunions secrètes, les complots contre notre église, contre notre pasteur, contre notre vie. Je détruis ce matin. Maman, priez pour ton mari. Peut-être ton mari marche, mais au travail il y a un complot. Continue à prier. Continue à prier. Priez pour ta femme. Prions pour notre pasteur. Prions pour les serviteurs de Dieu. Dites à Dieu non, tu détruis. Omba na kuharibu. Omba. Jésus, Jésus, je déchire leur plan. Je déchire leur plan. Je mets la confusion dans leur plan. Je mets la confusion dans leur plan. Ils ne sauront pas par où commencer. Ils ne sauront pas par où commencer. Et par où finir. Et par où finir. Et j'écarte tous les agents exécuteurs. Et j'écarte tous les agents exécuteurs. Priez bien-aimé. Omba mpendwa. Peut-être l'agent exécuteur, tu peux être toi-même. Prie. Continue à prier. Continue à prier. Yeah. Écoutez bien les mains. Avant que je passe à la dernière prière, détruisez le plan. Déchirez ça. Peut-être le plan, c'était de donner une maladie. C'est faire un accident. C'est te tuer peut-être. Mais là, quand tu déchires le chemin, ils auront la confusion. Ils vont perdre le repère. C'est pourquoi prie là où tu es. Quand tu détruis le plan, tu es en train de chasser la maladie. Tu chasses les accidents. Tu chasses la mort. Tu tapes les maîtres par la vie. Tape les mains, prie au nom de Jésus. Tape les mains, prie au nom de Jésus. Déchire au nom de Jésus. Parce que continue à prier. Endele à Mukomba. Continue à détruire. Endele à Mukomba. Prie bien aimé. Omba. Hey yo. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Hey yo. Je détruis la Pasula. Jésus, je déchire leur calendrier. Je déchire leur calendrier. Le mois. Les mois. L'année. L'année. Les jours. Les jours. Et l'heure. Et l'heure. Ils ont planifié. Ils ont planifié. J'ai détruit en année. J'ai détruit. Arribou. Le mois maléfique, yes. L'année maléfique, le jour maléfique, les jours de malheur, je détruis, je détruis les jours de malheur, je détruis. Tape les mains, tu brises. Tape les mains, tu détruis. Tape les mains, tu détruis. Pika mi kono naomba. Hey yo. Pika mi kono. Lève-toi, tu dis Jésus, lève-toi. Tu dis Jésus. Shimama, Yesu. Je voudrais que nous puissions prier rapidement pour toi. Shimama, Yulu. La première des choses, nous allons prier pour l'église. Et pour le pasteur. Et pour sa famille. Nous allons dire à Dieu. Agenda yote. Tout agenda. Yamubaya. Qui est mal planifié. Contre cette église. La baja exécutée. Et les anges exécutés. Disparaître. Et qui soit en terre. Tu tapes les mains, tu pries. Monte dans la prière. Je détruis. Pika mi kono omba. C'est ma Jésus. Agenda yote tu yangu na famille yangu. Famille kiloko na famille ya munene. Famille kiloko na famille ya munene. Je détruis honoré. Na ba Jean Bote exécuteur. Na ba le bote va le comploter. Ba kwe détruit. Prie le Seigneur. Omba Bwana. Omba. Priez bien aimé. Omba. Détruit. Alibusha. Pécage. Je détruis. Lève-toi demain. La Bible dit nous sommes protégés par Dieu au moins de sa puissance. Mungu akuvalishe puissance l'air. Que Dieu puisse te donner la puissance. Une puissance qui a l'influence sur ma vie. Cette puissance qui avait l'influence dans ta vie. Chaque jour, il y a des complots. Où qu'on a mis pas présence yako. Oh ta présence. Il va faire révéler ma secret. Puisse leur faire de révéler la. Peut-être que tu n'as pas la capacité de voir dans le monde spirituel. Peut-être que tu n'as pas la dimension de rêver. Mais puisse te revêtir de sa puissance. Une fois arrivé au milieu de, il commence à confesser de même. Wow. Oui, c'est possible. Inawezekana. Élève tes mains là où tu es. Yanyua mikono. Écoutez, Dieu veut fêtir quelqu'un de la puissance. Mungu apenda kufika mtu na uwezo. Il veut te fêtir d'une puissance qu'on appelle. Apenda kufika uwezo asubuhi. Qu'on appelle exousia. Mwito wako tena. Exousia c'est l'autorité divine. Yusa na kuwa ni uma. Mamlaka ya Dieu te donne l'autorité. Wakati Mungu anakupa mamlaka. Partout tu passes. Wazi yote utapita. Tu imposes. Uko na tisha. Partout tu passes. Bye bye. Tu domines. Unakuwa na tawala. Heyo. Dieu de gloire. Élève tes mains. Nyanyua tu mikono. Vous chantez lentement, mais toi tu fais, tu montes haut, tu vois. Où qu'on a imba pole pole. Deux minutes seulement, alléluia, alléluia. Pandisha sauti, alléluia. Ayez la soif de recevoir quelque chose. Kuna kuwa kiu kia kupokea kintu. Ta voix haut, chante haut, tu vois ma soeur, mon frère. Pandisha sauti, papa, mama. Pandisha sauti. Montez encore ta voix. Panda tena sauti. Ose ta voix. Ongeza sauti. Je vois quand tu es en train de monter dans ta voix, ouais, je, quand vois, sauti, je vois une grâce particulière nikonaona neema ya peke sur la vie d'un frère de ce monde. Montez, montez. Panda tena, panda. Pandisha sauti yako. Elève encore ta voix, élève ta voix. Minasikia uwezo yangu. Yo. Les instruments vont se taire, nous allons seulement chanter nous-mêmes à haute voix. Monte. Pandisha sauti. C'est pour te faire entrer dans cette grâce. Ni kwa ajili ya kukuingiza mwiki kiwangu. Oh raba sheka tarama. Murekaya sede shayama. Monte encore très haut. Pandisha tena sauti nguvu sana. Ne regarde pas ta voix, mais toi chante. On